Je tombe de sommeil, déclara Aurore tout en se resservant un verre de Sancerre. Avec ce que tu as bu, c'est normal, ironisa Pascal. Installées dans la cuisine comme de coutume, elles avaient traîné longtemps à table, occupées à échafauder des projets de Noël. Pour le réveillon, Aurore comptait sur la présence de Georges. Mais n'allait-il pas se sentir piégé par cette réunion de famille trop intime ? Pascal avait trouvé la parade en conviant Sam et Marianne. Et à présent, elle s'interrogeait sur l'opportunité d'inviter Laurent, si toutefois il n'avait pas déjà d'autres engagements. « À mon avis, il viendra ici ventre à terre, » prédit Aurore. « Tu sais bien que tu le fais complètement craquer. » Elle désigna les roses blanches reçues la veille, qui trônaient dans un vase chinois. La carte d'accompagnement était encore posée sur la table, et Aurore la saisit pour la relire. « Merci d'être venu, et merci d'être vous. » « Être vous, c'est pas mignon, ça. Je trouve ce type formidable, même s'il t'obtient une place à Albi et que je me retrouve condamnée à faire la route seule. Georges ne m'a jamais envoyé de fleurs. Je lui ai fait tout un plat avec les tiennes ce matin, sans préciser l'identité de l'admirateur, rassure-toi. J'espère qu'il a saisi l'allusion et qu'il trouvera le chemin d'Interflora. » Son verre étant de nouveau vide, elle le contempla d'un air surpris. « Bien, j'arrête pour ce soir, sinon j'aurai la migraine demain matin. En tout cas, on n'a pas réglé le problème. Je maintiens que la dinde est un plat trop conventionnel, en plus affreusement sec, farce ou pas. » Elle se leva, s'étira, tituba légèrement sous le regard indulgent de Pascal. « Je vais me coucher, chérie, c'est grand temps. Oh, ce Sancerre, quelle merveille !» Penchée au-dessus de la table, elle récupéra son sac à main abandonné sur le banc. « Tiens !» J'ai ramassé le courrier dans la boîte en rentrant. J'avais oublié de te le donner, mais ce n'est rien d'important, s'excusa-t-elle en tendant deux enveloppes à Pascal. Elle l'embrassa en s'appuyant lourdement sur elle, puis gagna la porte d'un pas hésitant. Pascal l'entendit traverser l'office, se cogner dans un placard, et elle faillit éclater de rire. Comme Aurore ne buvait que rarement, elle tenait assez mal l'alcool, dont elle se méfiait en général. Ce soir, elle s'était laissée aller. Une bonne nuit de sommeil effacerait tout. En 10 minutes, Pascal débarrassa la table, rangea la cuisine. Contrairement à Aurore, elle se sentait en forme et décida de gagner la bibliothèque, un endroit où elle aimait se tenir pour faire ses comptes, régler ses factures ou lire des revues de médecine. Elle alluma la lampe bouillotte, qui laissait la majeure partie de la pièce dans l'ombre, et s'installa à son bureau. Autour d'elle, le silence de la maison endormie semblait si absolu qu'un soudain cri de chouette dehors la fit tressaillir. Le froid était trop vif pour entr'ouvrir une fenêtre et laisser entrer les bruits de la nuit. Durant quelques instants, Pascal tendit l'oreille, sans rien percevoir d'autre que de sourds craquements émis par les boiseries ou les parquets. L'isolement de Pérol était parfois pesant, presque inquiétant certains soirs. Et pourtant, Pascal aimait de plus en plus cette trop grande maison. Elle prit les deux enveloppes, dont l'une portait le cachet de l'hôpital et l'autre le logo d'un commerçant d'Albi. Négligeant la publicité, elle ouvrit le courrier de Purpan, persuadée qu'il s'agissait d'une quelconque note administrative. En fait, l'enveloppe en contenait une autre, plus petite, entourée d'un feuillet manuscrit. Intriguée, Pascal déplia le papier et reconnut aussitôt l'écriture de Laurent. « Ma chère Pascal, 6 juin la réponse qui m'a été envoyée et que je vous fais suivre aussitôt. Il m'est pénible de vous apprendre qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle. » D'avance, je devine et comprends l'importance que vous allez lui accorder. Mais avant toute démarche, prenez le temps de réfléchir. Si vous éprouvez le besoin d'en parler, je suis à votre entière disposition. N'hésitez pas à m'appeler. Quel que soit le moment, je serai heureux de vous entendre. Je vous embrasse. » Avec une angoisse indicible, Pascal observa l'enveloppe en provenance de la caisse primaire et adressée à M. Laurent Villeneuve, directeur de l'hôpital Purpan. Une mauvaise nouvelle ? De quelle sorte ? Lentement, elle souleva le rabat qui avait déjà été décacheté, extirpa la feuille dactylographiée. Tout d'abord, les phrases ne signifièrent rien pour elle, et elle fut obligée de les relire. Dans le silence de la bibliothèque, elle entendit sa propre respiration qui s'accélérait, devenait bruyante, puis elle éclata en sanglots. Un long moment, elle resta prostrée, les coudes sur le bureau et la tête dans les mains. Les implications de ce qu'elle venait de découvrir étaient inenvisageables, absurdes. Julianne Ancoste, née avec une anomalie congénitale, était soignée depuis toujours dans différents centres pour handicapés. Soignée. Julia Nan, sa demi-sœur, Julia sans souci, atteinte de trisomie 21, n'avait jamais connu une vie normale. Essayant de refouler ses larmes, Pascal eut l'impression d'étouffer et elle se leva brusquement. Handicapée ? Dans quelle mesure ? Et comment sa mère avait-elle pu abandonner une enfant malade et sans défense ? C'était tout bonnement inconcevable. Marchant de long en large, Pascal essayait de réfléchir sans y parvenir, les pensées les plus chaotiques se bousculant dans sa tête. La tristesse de Camille, dont tout le monde parlait, ses dernières années de mutisme complet qui l'avaient conduite au bord de la démence. S'était-elle rongée de remords jusqu'à se laisser mourir 40 ans après ? Non, pas elle. Surtout pas elle, qui avait tant souffert de ne pas connaître sa propre mère, Anne Dao. Comment aurait-elle pu infliger le même sort à sa fille ? De toute façon, Julia avait aussi un père, alors qu'était devenu ce Raoul Coste ? Trop agité pour tenir en place, Pascal se précipita hors de la bibliothèque et grimpa au premier 4x4. Si elle ne parlait pas à quelqu'un, elle allait devenir folle. Elle frappa et entra chez Aurore, qui dormait à poing fermé, sa lampe de chevet allumée. Pascal la regarda quelques instants, puis renonça à la réveiller. Avec tout ce qu'elle avait bu ce soir, Aurore avait besoin de dormir et serait d'ailleurs incapable de soutenir une discussion. Après avoir éteint, Pascal quitta la chambre en silence et redescendit. Il était trop tard pour appeler Laurent. Elle pouvait téléphoner à Adrien, mais ne valait-il pas mieux attendre qu'il soit là avec leur père pour déballer toute cette histoire ? Elle fit un détour par la cuisine, fouilla dans le placard où elle rangeait une bouteille d'Armagnac destinée aux sauces et s'en versa deux doigts qu'elle avala cul sec. Ensuite, elle regagna la bibliothèque où elle reprit ses allées et venues entre les fenêtres obscures et la cheminée. Depuis la découverte de ce satané livret de famille, combien d'heures avait-elle passé à penser à Julia ? À s'imaginer ce que serait leur première rencontre. Elle s'était interrogée sur les traits de Julia Nan, curieuse de découvrir en elle ce type asiatique que Camille lui avait probablement transmis, comme à elle-même. Parmi toutes les hypothèses et supputations, elle s'était promis de réparer une éventuelle injustice, si jamais Julia manquait de quoi que ce soit. Quelle dérision. De nouveau, les larmes coulaient sur ses joues. Elle se sentit soulevée de dégoût à l'idée de cet abandon. La vue brouillée, elle prit le téléphone et composa le numéro de Samuel. Malgré l'heure tardive, il décrocha presque tout de suite. « Sam, c'est moi. Je suis désolée de t'appeler comme ça. J'espère que je ne te réveille pas. »« Non ?» répondit-il à voix basse. « Je ne dormais pas. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Écoute, ne t'inquiète pas, mais je viens d'apprendre quelque chose d'abominable et je ne sais pas à qui en parler. » Elle renifla, avala sa salive, essaya en vain de poursuivre. « Pascal, et bon sang, tu pleures. Tu veux que je vienne ? J'ai besoin de le dire à quelqu'un. Oh Sam, tu es à Pérol ? Oui. Alors j'arrive. Le temps de faire la route et tu me raconteras tout. En attendant, calme-toi, d'accord ? Et pense à m'ouvrir la grille. » Elle commença à protester, mais il avait déjà raccroché.